et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. Et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur. Et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer. Et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie. Et que c'est lui qui a créé les deux éléments, le couple, le mâle et la femelle. D'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Et que la seconde création lui incombe. Et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir. Et c'est lui qui est le seigneur de Sirius. Et c'est lui qui a fait périr les anciens, Ad. Ainsi que les Tamouds. Et il fit que rien n'en subsista. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. Ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents. والمؤتفكة أهوى. De même qu'il anéantit les villes renversées. فغشاها ما غشا. Et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute؟ هذا نذير من النذر الأولى. Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. أزفت الآزفة. L'imminente l'heure du jugement s'approche. ليس لها من دون الله كاشفة. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. أفمن هذا الحديث تعجبون. Quoi, vous étonnez-vous de ce discours, le Coran? وتضحكون ولا تبكون. Et vous en riez et n'en pleurez point? وأنتم سامدون. Absorbé que vous êtes par votre distraction. فاسجدوا لله واعبدوا. Prosternez-vous donc à Allah et adorez-le.